pense que mon épisode le plus... pas le plus difficile, parce que j'étais convaincu d'avoir raison pour ne tout gagner avec ça. Là. Mais c'est sûr qu'avec Françoise David, ça a brassé. Alors, sors-moi donc la cote, Jean, ouais. Radio-Canada, c'est, il voulait m'arracher la tête. Mais rappelle aux gens, c'est quoi l'épisode d'un coup qui a... Ah ouais, il y a des nouveaux auditeurs, ben oui. C'est sûr. Ironie au miroir, ça me traitait de nazi puis de fasciste. Même Tutrisac, mon ami, avec qui je parle de temps en temps, que j'aime beaucoup, qui est très bon, 98.5, à l'époque, regarde, on s'entendait pas, me traitait de nazi, lui, avec. Parce que j'ai demandé à ce que les élèves déchirent une page de leur cahier qui contenait de la promotion de Françoise David. Moi, je l'ai perçu comme ça. C'est un cours d'éthique et culture religieuse. Il y a une grosse page de pub sur Françoise David de Québec solidaire. Moi, j'avais dit en autre... Manuel scolaire. Ouais. Manuel scolaire. Ça avait été Mario Dumont, ben Stephen Harper, là. J'aurais dit la même affaire. Déchirez ça. Harper n'a pas d'affaire d'un manuel scolaire. Ni Dumont, ni Marois, ni Charest. Mais là, c'est Françoise David. Fait que moi, j'avais dit, déchirez ça. J'ai même fait un concours. Fait tirer une console de jeux vidéo. Hey, Radio-Can était... Mais là, je sais de quoi de hot. Oh. J'ai pire que ça à matin. Mais voyons donc. Ouais. Mais là, il va falloir que je me retienne. Parce que, hey, je me suis ramassé au CRTC. J'ai gagné en passant. Et les journaux ont très peu mentionné ma victoire au CRTC suite aux nombreuses plaintes qu'on avait reçues. Non. Quand ils m'ont accusé, par exemple, j'étais sur tous les sites Internet, les menaces, regarde, je vais passer dans le tordeur. Mais quand j'ai gagné, rien. À Radio-Canada, j'étais juste après l'accident d'avion, je pense. Il y avait eu 700 morts, là. Ouais, je pense que c'était moi le next. Moi, je pense qu'il faut que l'animateur en question et la station de radio qui l'emploie sachent qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Ils invoquent la liberté d'expression. Moi, je suis la première à reconnaître que toutes les opinions devraient pouvoir s'exprimer en ondes. Il n'y a pas de problème. Mais il y a le ton, il y a la manière, il y a de s'en prendre aux gens, il y a les concours comme ça. C'est une incitation au méfait, c'est une incitation au vandalisme, ce concours-là. Et là, il me semble qu'il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. C'était encore pire à René au miroir, puis à Radio-Can, puis tout. Mais je veux pas faire entendre, c'est mon passé. Êtes-vous prêt pour le next dossier encore de propagande à l'école? Pire que le cahier avec Françoise David. En passant, même Pierre Foglia m'avait défendu à l'époque. Oui? Ouais, m'avait traité d'innocent. Mais il avait dit que j'avais le droit de dire ça. Qu'il n'y avait aucun méfait. C'était le cahier de l'élève. C'est pas un manuel scolaire dans le sens, c'est un livre qu'on achète, là. C'était un cahier d'exercice. Et de dire aux gens de lui proposer de déchirer ça par opposition, selon Foglia, j'étais un cave, mais j'avais le droit de dire ça. Non, il avait dit ça, il avait dit que j'avais même pas... J'étais un cave, mais il a le droit. Il a même pas de secondaire 5, lui. Il a à peu près raison, j'ai juste un deck. Je suis pas honte de ça, mais tu sais, lui, dans sa grande splendeur intellectuelle... Mais au Québec, il y a que l'université qui compte. On est descendu dans la rue pour ça. Il y a pire que ça! Je vous le lis, là. Je sais, je fais du temps, parce que je veux que la pause arrive puis que je sois coupé avant que je m'énerve. Bonjour à toute l'équipe. Je suis étudiant, dirai pas où tu es. On va y parler tantôt, là, fait que j'attends. Je suis dans un cégep, n'a pas 2000 à Québec, mais en tout cas. Je veux vous faire part d'un fait que vous pourriez partager à la radio et qui concerne les romans obligatoires au cégep. Dans le cadre de mon cours de français, je suis dans l'obligation, je le répète, il est écrit en lettres majuscules, obligation de lire le roman « Tenir tête » de Gabriel Nadeau-Dubois. Lecture obligatoire? Lecture obligatoire. Quel cours? Français. Ben. Hey, est-ce un roman, ça? Ça a l'air que oui. Gabriel Nadeau-Dubois. Oubliez les grands auteurs. On n'est plus dans Gagouk de Yves Thériault, le Matou de Yves Beauchemin. On n'est plus dans Victor Lévy-Beaulieu. Il n'y a plus des mille cégep, là. Il n'y a plus rien de ça. Non. Victor Hugo peut aller se rhabiller. Pouf! OK. Non. Là, tout Baudelaire, dehors, les grands. C'est maintenant Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve ça impensable et injuste d'obliger les étudiants à lire ça. J'ai pas besoin de préciser que ce roman-là n'est pas du tout objectif vis-à-vis les opinions politiques générales. En plus de ça, écoute bien ça, c'est encore pire. Tous les élèves du cours de ce prof sont obligés de rencontrer l'auteur. Sinon, nous payerons le prix lorsque le relevé de notes sortira. De plus... Le prof en question demande à ceux qui pourront pas se présenter à la conférence avec l'auteur de fournir leur numéro d'étudiant afin qu'ils vérifient auprès de la direction l'horaire de l'élève en question. Bref, au cours de mon cheminement scolaire, j'en ai eu des romans plates. Au moins, ils étaient pertinents au cours, mais là, c'est trop. Je trouve ça tellement impertinent et frustrant d'être obligé de lire ça et d'être lourdement évalué dessus. Ça me frustre que la direction laisse passer des choses comme ça. Les profs ont pas le droit de tenter de nous influencer autant. Quelle est votre opinion sur cette lecture rencontre avec l'auteur obligatoire? C'est là que la pause arrive. 8h27. Non, je vais quand même rester en onde un peu. Parlons cinéma. Jean, ne pèse pas sur le piton. Là, on va parler cinéma. Alors, dans un cégep de la région, lecture obligatoire du roman de Gabriel Nadeau-Dubois. Que faire avec ça? Quoi proposer? Comment réagir? On s'arrête ici et on s'en va au cinéma. Robin Williams, vous souvenez-vous l'excellent film Dead Poets Society, la société des poètes disparus? Il y a un bon extrait que je vais vous faire jouer. Robin Williams interprète un prof à l'école. Justement, on est dans l'éducation. Je fais un petit lien avec ce que j'ai dit tantôt. Pour le reste, il n'y en aura pas. Mais Robin Williams tient le rôle d'un prof qui veut inciter ses étudiants à avoir une pensée indépendante, à avoir des esprits libres et à ne pas se faire brainwasher. Voici ce que le prof Robin Williams, je me souviens plus de son nom dans le film, propose à ses étudiants. On va jouer ça. Monsieur... Allez, arrachez-moi toute la page, allez. Vous m'entendez? Déchirez-la. Déchirez-la! Oui! Allez, la page entière. Oui, oui, tout! Merci, monsieur Dalton. Messieurs, j'ai une idée. Cette page ne suffit pas. Arrachez toute l'introduction. Oui! Qu'elle tombe aux oubliettes de l'histoire. Qu'elle disparaisse. La part du diable. Va-t'en, J. Evans Pritchard, professeur agrégé. Arrachez, déchirez, étripez, arrachez tout. Je ne veux entendre que le bruit de la déchirure pritchardienne. Oui! Oui. Mettra ça sur un clou au petit coin. Au petit coin. Ne pas l'évangile, vous ne grimpez pas. Allez-y. Pas de quartier, je veux qu'il n'en reste rien. C'est exagéré. C'est risqué, faut pas faire ça. Faut pas, Cameron. Arrache. Allez, allez. Gabriel Nadeau-Dubois. On arrache. Hein? Non, ça, non, mais c'est un extrait de film. Quel je ferai bon pas film. Le... On refera pas le concours, on l'a déjà fait, puis ça m'a... Mais je trouve ça épouvantable, et j'ai quand même le droit de dire, même si j'avais été blanchi à l'époque, j'ai pas l'intention de refaire la même chose. Et je vais vous dire ce que moi je ferais. Vous pouvez voir dans mon dictionnaire, je veux être sûr de mon mot. Admettons que moi, je suis étudiant au cégep, et que le prof me dit, lecture, roman obligatoire, Gabriel Nadeau-Dubois. Un quoi? En quoi c'est un auteur célèbre? En quoi c'est? Voyons donc, c'est un petit gauchiste, bébé gâté, anarchiste, qui a renversé le Québec au complet pour 30 sous par jour. Hey, allume! Je m'opposerai à ça en esprit libre. Et si on m'oblige à lire Gabriel Nadeau-Dubois, moi c'est sûr que je cale la shot, personnellement. Sans faire de méfaits, puisque le livre m'appartient, je réunis toute ma gang et je fais un auto-dafé. C'est ça que je fais. Savez-vous c'est quoi un auto-dafé? J'espère que je me trompe pas de mots, là. C'est pour ça, ouais, mon dictionnaire, parce que comme Foglia le dit, j'ai juste un secondaire 5, puis j'étais un peu innocent. Alors, des fois... J'avais peur que tu déchires le dictionnaire, là. Non, jamais, je touche pas à ça. Voyons donc, auto-dafé, donc O-T-T-O. Mais non! Ah non, c'est des A! Un F en passant. Ben oui, je l'ai, là, bougez pas. Alors moi, je ferais... Ok, je l'ai. Auto-dafé, en Espagne et dans l'Empire espagnol, proclamation solennelle d'un jugement de l'Inquisition. Destruction... par le feu. Un auto-dafé de livre. C'est ça. Ça marche, mon terme, hein? Tu mets le feu dedans? Pas pire. Oui! Moi, je ferais... Hey, les carrés rouges ont fait 100 fois pire que ça. Ça lançait des pierres partout, d'un vide, vandalisme, exacto sur les pattes des chevaux, des billes à terre, sacs de pisse, sacs de marde, battu un policier, qui viennent donc me dire, lui, que... Monsieur Bou... Hey, j'aimerais ça que Nadeau-Dubois porte plainte. Il était trop loin, en disant... D'abord, je dis rien, faites ce que vous voulez. Je vous dis ce que moi je ferais. Si le prof me force à lire de quoi d'aussi indigeste que du Nadeau-Dubois, je ferais, moi, un auto-dafé avec. Et j'essaierai de voir si j'ai pas des amis qui doivent faire la même chose. Tu te réunis dans le cours du cégep, une quarantaine de livres de Nadeau-Dubois, tu crisses le feu dedans. Mais tiens, c'est vraiment c'est un geste de provocation symbolique en disant, nous refusons en esprit libre, comme dans le film Dead Poets Society, de se faire brainwasher par un prof. Mais c'est vraiment dans un cours de français? Un cours de français. Quel est le lien? T'imagines-tu s'il avait proposé le dernier livre de Stephen Harper, comment le syndicat serait déjà dans la rue à manifester, ben oui, possiblement en grève de la faim, à s'immoler par le feu, à bloquer le trafic, ou à envoyer des cochons à 20. Je sais pas quel moyen de pression, pont bloqué, oubliez ça, là. Ce serait la fin du monde si le livre de Harper, la biographie de Dumont, ou de quoi, aurait été une lecture obligatoire. Mais là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, le petit chouchou des profs de cégep. Ouais, mais en frais d'auteur... N'acceptez pas ça. acceptez pas ça, là. Il y a rien d'illégal. Mais en esprit libre, refusez. Dites à votre prof, fais-nous lire du Victor Hugo. Fais-nous lire du Victor Lévi-Beaulieu. Fais-nous lire ce que tu veux. Mais pas Mado Dubois. On peut t'en nommer. Que ce soit Brian Perrault, que ce soit Christine Brouillette, Marie Laberge, que ce soit Danny Laferrière, le seul de l'Académie française qu'on a au Québec, qui pourrait venir ensuite en conférence pour parler aux étudiants, puis t'es oblige à être là. Alors, écoute, je ne fais pas de concours. Je ne fais pas de concours. J'incite pas. Parce que, tu sais, dans le fond, quand t'es à la radio, faites ce que vous voulez. Ouais. Mais moi, si j'étais un étudiant de cégep, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai fait des moyens de pression. J'ai fermé au moins deux classes, moi, dans le temps. Pour des affaires bien moins graves que ça, là. Tout le monde au centre social, on rentre pas, puis en wego, debout sa chaise, parce que la prof était pas bonne. Ah. Je suis probablement un des seuls qui a fait congédier une prof de cégep pour incompétence dans l'histoire. Tu réclamais des meilleurs profs. Oui, j'ai boycotté un coup. Pas des frais moins dispendieux, là. Non, on n'est pas sorti pour sauver 30 cents. On est sorti pour mettre dehors une incompétente. Parce que j'avais deux chums qui étaient sur le bord de lâcher l'école tellement qu'ils étaient plus capables. C'est en plus, il y avait un gars là-dedans, là. C'était un gars qui retourne aux études. C'est pas facile, là. Puis la fille aussi, monoparentale, mes deux amis étaient plus âgés. Écœurés. J'ai dit, oublie ça, là. On va gagner. On y va plus au cours. Paf! Zéro pin-bar. On est allé voir l'orienteur, le directeur, on rentre plus dans ce cours-là. Et tu peux rien faire, les syndiqués, je peux rien faire. Débrouille-toi, on rentre plus. Mm. Il s'est débrouillé, il a trouvé une solution. On l'a plus revu. Je sais pas ce qu'il l'a mis. Évidemment, elle était full patch syndical. Fait qu'elle doit être en train de passer à mop à quelque part. Je sais pas, je m'en sac. Classer les papiers. Mais il faut pas accepter ça. L'époque où on se battait est un peu révolue. Les seuls qui se battent à cette heure, c'est les gauchistes. Je demande à cet étudiant-là de réfléchir, de décider ce qu'il veut faire. Je vous dis ce que moi je ferais. Tenez-moi au courant. Alors, lecture obligatoire, ça veut dire que t'as pas le choix de l'acheter. Oui. Hein? Ah, ben oui, ça mousse les ventes. T'as pas le choix d'acheter, c'est sûr que c'est bon pour les ventes. Si plusieurs profs de cégep disent, on va mousser les ventes de GND, hein, on va être rendu, c'est rendu un GND, là, il y a son... Il y a son acronyme, ouais. comme un grand auteur. Gabriel Nadeau-Style. Eh boy, 8h34, donnez-moi des nouvelles de ça. Moi, je vais vous en donner, on va contacter le cégep. 80.